Il a fallu une vingtaine d'années pour que l'intelligence artificielle devienne centrale dans les démarches quotidiennes de milliards de personnes. Pourtant, les systèmes complexes de traitement massif de l'information inclus dans l'IA ne manquent pas de déconcerter dès lors que se posent les questions de leurs usages, de leur fiabilité ou de la responsabilité qu'on leur confie. Dans ce contexte, définir une éthique de l'intelligence artificielle devient un enjeu majeur de société. Mais comment définir une telle éthique et s'assurer de son bon respect ? Intelligence artificielle par-delà le bien et le mal, c'est la question éthique que nous allons poser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour définir ensemble les nombreux enjeux liés à l'éthique de l'intelligence artificielle, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Raja Chatila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de robotique, d'intelligence artificielle et d'éthique du numérique à Sorbonne Université. Vous avez par ailleurs participé à l'ouvrage « Pour une éthique du numérique » paru au PUF en février 2022. Nous sommes également en compagnie de Thierry Ménissier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en philosophie à l'université Grenoble-Alpes, responsable de la chaire éthique et IA au sein de l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle de Grenoble. Mais avant de plonger dans toutes ces questions, il est l'heure de retrouver celle qui prend de court chaque jour toutes les IA du monde par sa capacité surhumaine à traiter l'information scientifique, mais aussi à déjouer les coupures de courant à 15h30 quand elle est en train de finir de rédiger son journal. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le journal. Bonjour Antoine. Bonjour Natacha. Et on commence avec le sujet de ce journal. Selon une étude parue dans la revue Neurobiology of Pain, la discrimination raciale aurait peut-être une influence sur l'épigénome. Oui, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle un health gap, un écart de santé entre les personnes de différentes couleurs de peau, avec des problèmes de santé qui sont spécifiques aux Afro-Américains. Plus de maladies métaboliques ou cardiovasculaires et plus de mal de dos chronique. Cette équipe américaine a voulu voir si cela pouvait être lié à des facteurs psychosociaux, car les populations afro-américaines sont généralement soumises à plus de discrimination raciale et plus de stress psychosocial en général. Les chercheurs ont donc comparé l'épigénome d'une petite cohorte, d'une quarantaine de participants, qui se déclarent eux-mêmes soit noirs, soit blancs de peau et qui souffrent de mal de dos chronique ou non pour le groupe contrôle. Alors, selon les auteurs, des facteurs épigénétiques pourraient expliquer cette différence de prévalence. Chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, et en particulier chez celles qui se déclarent noires de peau, on observe plus de méthylation de l'ADN. Raphaël Schex est chercheuse au CNRS, au laboratoire d'anthropologie génétique, au Musée de l'Homme à Paris. Ces groupes méthyles sont connus pour réguler l'expression des gènes. Pour vous donner un exemple, en amont des gènes, il y a comme un petit interrupteur, et si cet interrupteur est méthylé, le gène est éteint. Si cet interrupteur n'est pas méthylé, le gène est exprimé et peut donc être transcrit et traduit en protéines. Et donc, ils ont été étudiés ces profils de méthylation dans ces populations selon qu'elles ont ou non mal au dos pour voir s'il y a des différences de méthylation entre ces individus qui ont ou non mal au dos, sachant que la méthylation et plus généralement l'épigénétique, de plus en plus, on pense que c'est un médiateur entre l'environnement, et en particulier l'environnement psychosocial, et la santé humaine. Donc c'est pas spécifique aux individus qui se déclarent comme étant noirs, mais en tout cas, il y en aurait un petit peu plus chez eux. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, ces marques épigénétiques sont impliquées dans le traitement de la douleur, mais aussi, par exemple, dans les circuits de stress. Donc, effectivement, ils trouvent des différences épigénétiques qui sont intéressantes sur le plan clinique. Maintenant, on peut exprimer quelques réserves par rapport à cette étude. Normalement, quand on fait une étude épigénétique, on doit aussi produire des profils génétiques, parce que ce qui va modifier l'expression des gènes, ça peut être l'environnement, mais ça peut être aussi tout simplement notre fond génétique. Et c'est très important dans les études épigénétiques de contrôler qu'il n'y a pas des différences d'ordre génétique entre les différentes populations d'études pour s'assurer que ce qu'on voit en termes de différences de méthylation ne serait pas plus simplement explicable par des différences génétiques entre les populations et entre les individus plutôt que liées à des expositions environnementales. Et ça, ils ne l'ont pas fait dans cette étude. C'est un petit peu dommage. Ensuite, c'est une étude qui reste par ailleurs intéressante parce que justement, elle contribue à ce courant d'études grandissant qui cherche à mettre en évidence l'influence des facteurs donc psychosociaux sur notre épigénome. Et là, c'est une des premières études qui s'intéressent parmi ces facteurs psychosociaux directement aux facteurs liés à la discrimination raciale. Donc c'est un espèce de renversement du paradigme. Autrefois, on cherchait dans la génétique la raison d'être des différences biologiques entre individus. Aujourd'hui, on cherche plutôt dans les facteurs socioculturels, donc construits par la société, l'origine des différences biologiques entre les individus et ce qu'on appelle parfois les races. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et toutes les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. L'ONU peine à établir un accord pour la protection de la biodiversité. Oui, à l'heure de la 6e extinction de masse, une conférence internationale sur la biodiversité s'est conclue hier à Genève. Les 195 pays signataires de la Convention sur la diversité biologique ne sont pas parvenus à s'entendre sur un texte qui devrait être adopté à Kunming, en Chine, en août, pour la COP15. Nous sommes encore très loin d'un traité international prêt à être ratifié, dont l'objectif majeur est de protéger 30% des océans et des terres de la planète d'ici 2030. Aujourd'hui, un seul 16% des terres et 7% des océans le sont actuellement. Une réunion de négociation supplémentaire devrait avoir lieu au Kenya à partir de juin. Du 21 juin plus précisément. En bref toujours, selon une étude parue hier dans la revue Nature Communication, il y a eu des volcans de glace sur Pluton. Mais des volcans qui crachent non pas de la lave, mais de la glace liquide. Et peut-être qu'ils sont encore actifs aujourd'hui. Grâce aux données de la sonde New Horizon, qui a survolé Pluton en 2015, une équipe américaine a mieux compris l'étrange topographie de cette planète naine. Ces immenses champs de glace chaotiques auraient été créés par une intense activité cryovolcanique depuis plusieurs épisodes est relativement récent. Cela suggère également que malgré son éloignement, la température interne de Pluton est restée chaude beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait pour pouvoir alimenter une telle activité géologique. Et enfin, selon une prépublication parue sur BioArchive, les Britanniques de l'âge de bronze se sont adaptés au manque de luminosité. Et ces chercheurs anglais ont analysé de l'ADN ancien, vieux de 4500 ans, de 529 Britanniques et le génome de 98 participants contemporains. Grâce à une nouvelle méthode d'analyse de l'ADN, ils ont découvert des variants génétiques qui pourraient être le signe d'une sélection naturelle. Sept régions du génome qui sont presque tous liées à une augmentation des niveaux de vitamine D ou de calcium. Le manque de soleil a entraîné des adaptations génétiques et pour augmenter la production de vitamine D a encouragé une sélection naturelle pour une pigmentation vers une peau plus pâle. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. De la reconnaissance vocale à la recommandation d'achat de livres en ligne, du pilotage autonome du voiture au diagnostic médical plus personnalisé, l'intelligence artificielle s'est installée dans tous les champs, ou presque, de nos vies. Toutes ces tâches, plus ou moins complexes, peuvent parfois s'avérer critiques. Elles sont pourtant confiées à des systèmes de plus en plus autonomes du fait de l'évolution galopante des technologies liées à l'intelligence artificielle. Dans ce contexte d'usage croissant de l'IA et des données massives que traitent les algorithmes qui la composent, des questions et des jalons éthiques sont posés par différentes instances, comme par exemple l'UNESCO. Écoutez Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui s'exprime sur les recommandations éthiques en matière d'IA proposées par l'organisation. C'était le 25 novembre 2021. Alors que dit ce texte? D'abord, il fixe quatre grandes valeurs, principes universels qui nous guident pour fonder et encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. D'abord, évidemment, le respect, la protection, la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la dignité humaine. On est là dans la grande tradition de ce que fait l'UNESCO en matière d'éthique des sciences. Deuxièmement, la nécessité de protéger l'environnement et les écosystèmes. Troisièmement, veiller à assurer l'inclusion et la diversité. Et quatrièmement, favoriser des sociétés pacifiques, justes et interdépendantes. Raja Chatila, une réaction à ce propos d'Audrey Azoulay? Oui, alors l'UNESCO, effectivement, a produit cette déclaration. Et évidemment, les principes fondateurs sont extrêmement importants, essentiels. C'est là-dessus que beaucoup de déclarations et de travaux aussi, d'ailleurs, s'appuient. Donc, l'UNESCO, naturellement, pousse encore plus les aspects liés aux droits humains. Mais ce qui est intéressant, c'est l'environnement. Et les écosystèmes. On retrouve les problèmes d'inclusion, bien sûr, très très communément. Et ce qui est important aussi, les sociétés pacifiques, avec la, ce qu'est l'UNESCO, c'est, je pense, un principe extrêmement important. Thierry Ménessier, pourquoi est-ce qu'on a plus que jamais besoin d'une intelligence artificielle éthique et d'une éthique de l'intelligence artificielle ? Merci pour cette redoutable question. Juste, on a une heure pour la traiter. Ouais. Je pense qu'il y a deux thèmes dans ce que vous proposez. Il y a d'abord l'idée que je retiens avec un peu de vigilance d'une intelligence artificielle éthique. D'une part, sur lequel je ne me prononcerai pas tout de suite, et d'autre part, la nécessité d'avoir un certain nombre de règles. Alors, moi, je suis professeur de philosophie plutôt politique, et comme vous l'avez dit, hein, j'occupe une chaire qui s'appelle Éthique et Intelligence Artificielle, qui est d'abord animée par une équipe de philosophes et qui est pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Alors, il y a aussi des informaticiens et des roboticiens dans cette chaire, mais vous voyez, il me semble qu'il faut remarquer, en allant dans le sens que vous venez de proposer, qu'on n'a jamais autant demandé à aucun système technique en matière de garantie éthique. Y compris le nucléaire, je crois. C'est exactement ça, il y a des systèmes même globaux, comme le nucléaire, l'électricité, le paradigme automobile, n'a jamais été assorti, avant même son essor ou pendant son essor, disons, d'autant de chartes, de règlements. Alors, autre chose, évidemment, la prise de position de l'UNESCO que nous attendions, qui a été élaborée par de nombreux collègues, 25 contributeurs, il me semble, internationaux. Texte tout à fait fondamental, en effet, parce que il avance d'un pas sur la question de l'universalité des principes. Ce qui est une chose très discutée en éthique de l'IA, y a-t-il ou non des valeurs universelles, des principes universels ? Donc c'est ce dont nous parlerons sans doute. Vous voyez, moi je terminerai très rapidement, c'est peut-être le rapport entre promesses et menaces qui fait qu'on a besoin d'avancer avec une garantie éthique. Ce qui est intéressant avec ce texte de l'UNESCO, c'est que c'est le tout premier accord multilatéral en la matière, et ça c'est important de le noter, c'est d'une certaine façon historique, même si ça n'a aucune véritable valeur coercitive, à part le fait de postuler des recommandations, mais bon, il faut le souligner, il faut le mentionner. Thierry Ménessier, il y a quelque chose une question que je vais vous poser à vous en tant que philosophe. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'appliquer un concept culturel, moral, philosophique à un dispositif technique? Pourquoi, enfin, si je reformule un peu ma question, est-ce que l'éthique est soluble dans la machine? Alors, il convient de reconnaître d'abord que les collègues informaticiens, spécialistes des algorithmes et des robots, des êtres artificiels, développent une éthique de l'IA qui est une éthique de la science. Vous voyez, de ce point de vue, aurais-je tendance à dire, ce n'est pas si difficile. Ce qu'on appelle donc la computer ethics, l'éthique informatique, développe depuis très longtemps, et c'est une grande part de la littérature mondiale en algorithmique, hein, en littérature algorithmique, développe des concepts et des valeurs. On les connaît bien, par exemple l'explicabilité, qui est un concept cardinal et sur lequel Rajesh Attila a notamment écrit, la transparence, la fairness, équité. Donc vous voyez, en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs types de discours. Je traite ça avec le concept de Foucault, Michel Foucault, les formations discursives. Il y a plusieurs formations discursives qui s'occupent aujourd'hui, comme par strate, de ce qu'on appelle, au sens large, l'intelligence artificielle. Éthique algorithmique, éthique artificielle, éthique digitale, et enfin ce que je propose de nommer éthique des usages de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, je ne crois pas que ce soit si difficile, étant entendu de toute façon que l'autonomisation des systèmes rend la tâche en effet sans doute périlleuse, en tout cas particulière. Parlons-en de ces systèmes un petit peu, Rajesh Attila, on en a beaucoup parlé déjà à ce micro, on y a consacré plusieurs émissions à l'intelligence artificielle, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler globalement sur quoi reposent les systèmes d'apprentissage spécifiques à l'intelligence artificielle ? Alors effectivement, vous avez raison de dire les systèmes d'apprentissage, parce que c'est une partie de l'intelligence artificielle, les systèmes d'apprentissage, celle qui, justement aujourd'hui, disons, est plutôt le sujet du discours et des préoccupations. L'intelligence artificielle est bien plus vaste, parce qu'il y a des systèmes déductifs logiques, il y a des systèmes probabilistes qui n'ont pas les mêmes problèmes, tout simplement parce qu'ils sont plus explicables. C'est-à-dire qu'on peut suivre le traitement qui est effectué au sein du système, même si c'est assez complexe. Mmh. Mais on ne perd pas la causalité entre les données d'entrée, si vous voulez, et le résultat. Alors que dans les systèmes à base d'apprentissage dont on parle aujourd'hui, qui sont basés essentiellement sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones formels, donc inspirés des neurones naturels mm-hmm. qu'on trouve dans nos cerveaux, mais qui sont des fonctions mathématiques en fait. Le principe même de ces systèmes, c'est en fait d'effectuer des traitements statistiques sur les données. Alors, ce qui est important, c'est que ces systèmes vont traiter les données en allant détecter des régularités dans les données qui ne sont pas forcément perceptibles, mm-hmm. si vous voulez, hein, qui sont là, des pixels dans des images, des éléments, des structures dans des sons, etc. Ce traitement statistique va corréler, et corrélation n'est pas la même chose que causalité, mmh. va corréler la présence simultanée de ces quelques éléments pour aboutir à une classification des données en catégories, par exemple. Hein. Mmh. On ne fait pas que de la classification, on fait aussi ce qu'on appelle, enfin, c'est destiné à faire ce qu'on appelle de la prédiction, c'est-à-dire une fois que le système a été entraîné, il a un modèle statistique des données, on peut lui fournir une nouvelle donnée, et il va prédire à quelle classe ces données appartiennent. À partir de tout cela, quelles sont les failles qu'on peut reconnaître à cette technologie-là? Sur quel point c'est une technologie qui manque de maturité et qui va nous conduire justement à ces questions d'éthique qui sont brûlantes? Alors justement, le problème, c'est que c'est une démarche statistique sur une grande quantité de données. La structure des systèmes de réseaux de neurones, donc équivalent à une grande fonction mathématique, est opaque. C'est-à-dire on peut pas lier de causalité entre l'entrée et la sortie, mais c'est pratiquement inévitable, hein, si vous voulez. Et c'est tout le problème de l'explicabilité, d'essayer de trouver des méthodes pour expliquer ce qui s'est passé. Rendre transparent, finalement. Rendre transparent, ouais, voilà. Ouais. Mais par nature, elles sont opaques. Tant que on n'a pas finalement une compréhension de pourquoi le système a abouti à tel ou tel résultat, et d'une part, on observe une absence de robustesse technique, et c'est en ça qu'elle n'est pas mature, c'est-à-dire que on ne sait pas ce que le système va corréler. Il va, par exemple, vous avez un exemple connu tiré d'un article, vous avez un système qui est destiné à reconnaître des signaux routiers. Mmh. Donc vous mettez un signal stop, il reconnaît le signal stop. Il a été bien entraîné, vous mettez un signal vitesse limite 45, il reconnaît une vitesse limite 45. Vous mettez un petit sticker sur le signal stop, et le système voit vitesse limite 45. C'est un peu dangereux, un peu délicat pour une voiture qui est à conduite automatisée. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, il y a des corrélations qui ont été détectées dans le système, qui se trouvent dans le signal routier 45, et il les a vus sur stop, et il a lu donc vitesse limite 45. Les systèmes d'intelligence artificielle ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est essentiel. Les systèmes d'intelligence artificielle ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas de sémantique, ils ne voient pas la signification. C'est des calculs. Et d'une certaine façon, ils sont irresponsables et on cherche à les rendre plus responsables, ou en tout cas vis-à-vis de nous. Et c'est ce dont on va parler dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Thierry Ménissier, est-ce qu'on peut dire que la question d'une éthique de l'intelligence artificielle est centrale depuis les prémices de l'IA dans les années 1950? Oui, tout à fait. Je crois que finalement, dès la conférence de Dartmouth et même les prémices finalement de la question même d'une intelligence artificielle, le souci éthique s'est manifesté. À cet égard, je ferai plusieurs considérations qui ne relèvent pas du champ de la science informatique, mais qui toutefois constituent, me semble-t-il, le cadre dans lequel elle s'est développée. Vous savez, toute technique humaine, moi je m'intéresse à l'histoire des techniques avant de m'intéresser à l'éthique de l'intelligence artificielle, toute technique, toute technologie s'inscrit dans un fond culturel qui est nourri par des mythes. Ces mythes fournissent des valeurs fondamentales, fondatrices. Alors, du coup, les promesses et les menaces sont liées à ces mythes. Il est bien évident que le mythe de la machine autonome, le mythe de l'être de calcul qui devient incarné, a connu une anticipation, par exemple, dans la figure du golem. Mmh. Et avant cela, dans l'arrière-fond constitué par la mythologie prométhéenne. Alors, bien connu, finalement, des spécialistes de la mythologie, mais aussi de tous les philosophes ou tous les anthropologues qui sont intéressés à la manière dont les technologies fonctionnent et les techniques. Parce qu'en fait, je crois que c'est un point très important et un philosophe comme moi peut accompagner le développement de l'IA en dialogue avec les informaticiens et roboticiens à Grenoble ou à Paris, à partir du moment où, finalement, on s'aperçoit qu'une des questions à poser pour une éthique de l'IA, c'est qu'est-ce qui fait sens pour un concepteur et pour un usager ou un prescripteur de ces systèmes. Alors, ce qui fait sens, ça relève d'un certain nombre de croyances. Ces croyances, elles viennent sans cesse interagir, en fait, avec le travail scientifique et avec ce travail d'attention très forte que les collègues qui écrivent les algorithmes, qui écrivent le code, finalement, mettent, cette attention très forte qu'ils mettent à, pour maîtriser le système. Il y a une interaction assez fascinante qui, finalement, produit les formes de confiance à l'égard de la machine. Alors, ce sont ces formes de confiance, me semble-t-il, qu'il importe de documenter. Il importe de questionner, donc j'évoquais les concepteurs et conceptrices, il importe aussi d'aller voir du côté des prescripteurs dans les organisations privées et publiques, sur les terrains où se déploie l'IA, si l'on veut avoir donc cette forme d'attention vigilante qui permet de comprendre les formes de confiance qui sont liées à la fiabilité naissante du système, de plus en plus forte en effet, du fait des efforts consentis par tout le monde, et qui sont liées aussi à autre chose, me semble-t-il, qui est une confiance dans la technologie, dans les fonctions qu'on peut, parfois régaliennes, qu'on va lui confier. Alors vous voyez, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de tension entre cette attention très forte qui est celle des concepteurs depuis les débuts de l'intelligence artificielle, philosophes, anthropologues, informaticiens, roboticiens. Mais d'un autre côté, la confiance dans ce système technologique est tellement forte qu'il faut redoubler de vigilance. Mmh. Raja Chatila, je voulais prendre des notes. Une réaction à ce que vient de dire Thierry Ménissier. Oui, effectivement, enfin, le souci de l'éthique, il a existé dès le départ, dès la fondation de l'intelligence artificielle. Mais moi, je dirais aussi que, en même temps, l'intelligence artificielle porte un péché originel, c'est son nom. simplement dire intelligence artificielle est déjà créateur de mythes, et d'imaginaire et de projection et d'anthropomorphisation. Alors que on aurait dit système calculatoire traitant des données pour produire des classifications, personne ne se serait soucié de ce que le système est. Et donc, effectivement, dans le sens du mythe, le nom des choses a une importance majeure. Et donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de dire système d'intelligence artificielle. Je ne dis jamais une intelligence artificielle, voire des intelligences artificielles, comme si c'était des entités, des êtres. Vous me pardonnerez si, par commodité, je... Voilà, alors il y a des glissements de langage, mais il faut bien garder en tête qu'on est en train de parler de systèmes qui font du calcul, du calcul et du calcul. Et c'est ça qui fait leur force, c'est que ces systèmes sont capables de traiter des données en quantité massive pour nous aider, nous humains, à en faire sens. Mais les systèmes en question ne comprennent absolument pas ce sens. Ils nous aident, ils nous montrent, en quelque sorte, ils nous visualisent des choses cachées dans les données. Avec des principes éthiques qui existent quand même et qui sont liés à l'intelligence artificielle, au système d'intelligence artificielle, et qui sont voisins des principes de la bioéthique. Alors j'ai lu en préparant cette émission qu'il y en avait quatre grands principes. On peut parler de respect d'autonomie humaine, donc par exemple la sécurité liée à la voiture autonome, de prévention ou non-malfaisance, comme avec les armes autonomes, d'équité, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination, d'explicabilité, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir définir un lien causal entre entrée et sortie. Pourtant, ces quatre grands principes-là sont très difficiles à faire coïncider. Pourquoi, Raja Chatila? Ils sont très difficiles à faire coïncider pour une raison très simple, c'est que quand on a des systèmes qui sont extrêmement rapides et capables de traiter des données, la décision humaine, donc le premier point, l'autonomie humaine, la décision humaine devient difficile à mettre en œuvre parce que l'être humain n'a pas la capacité de faire ce calcul-là. Donc pourquoi ferait-il confiance à ce que dit le système? Mettons un médecin, un radiologue et un système d'intelligence artificielle qui va traiter des images de radiologie et qui va présenter un résultat, qui va détecter une tumeur. Donc on dit autonomie humaine, contrôle humain, c'est-à-dire que le médecin, le spécialiste va valider ou pas le résultat de ce traitement. Mais sur quelle base? Sur la base, bien sûr, de sa propre expérience, de sa compréhension, parce que lui, il sait de quoi il parle, n'est-ce pas? Mettre en question ce que le système a fait exige aussi de connaître comment le système fonctionne et pourquoi et comment il peut commettre éventuellement des erreurs ou trouver des tumeurs qui n'existent pas, etc. Donc, la mise en œuvre, l'application de cette autonomie humaine est compliquée parce que ça exige beaucoup de la part de l'être humain sur le contrôle du système. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'explicabilité, c'est-à-dire qu'il faut construire le système de manière à ce qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui a abouti à ce traitement. Et ça, c'est un sujet extrêmement difficile. On évoquait tout à l'heure ces recommandations de l'UNESCO qui sont le premier texte multilatéral en matière d'éthique et d'intelligence artificielle. Ça montre bien qu'il y a une difficulté à établir un cap commun en matière d'éthique et d'intelligence artificielle. Il y a une étude qui est parue en 2019 dans la revue Nature Machine Intelligence qui a été réalisée par une équipe de Zurich qui analysait plus de 80 chartes et études sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Et cette étude, elle montre des convergences et des divergences sur la question. Côté convergence, on a donc 4 thèmes qui sont au cœur de l'attention des organisations et qui se retrouvent dans 2 chartes sur 3, selon l'étude. La transparence, la justice et l'équité, la non-malfaisance et la responsabilité. Mais au-delà de cette convergence, l'étude relève de fortes divergences dans la manière de les interpréter. Thierry Ménissier, comment est-ce qu'on peut analyser cette tension-là? Oui. Cette étude, en effet, a été très très reçue, hein, très très bien accueillie. Elle montrait, en effet, qu'il y a un foisonnement en termes de production, de chartes, de réglementation, toutes d'un très bon niveau. Mais notez-le bien, qui valide une approche à laquelle je tiens, qui est celle à travers les parties prenantes. Hein, cette approche que on peut trouver, par exemple, chez nos collègues politistes. Hein, en sciences politiques, on parle de parties prenantes. Les parties prenantes de la production de ce savoir prudentiel, hein, comme on dirait les choses comme ça en philosophie, sont très variées, sont tantôt privées de différentes sortes ou tailles, tantôt publiques de différentes, si vous voulez, de différents niveaux, aussi bien l'Union européenne par exemple que plus récemment en effet l'UNESCO, que les différents États, qu'au sein des États, la CNIL ou encore les ONG. Donc ça donne très concrètement, si vous voulez, à mon point de vue, une sorte de cacophonie. La cacophonie vient d'abord de ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. Le fait est, me semble-t-il, sans doute qu'à part la valeur d'explicabilité, on tombe toujours dans un piège sémantique, à commencer par intelligence artificielle. À mon point de vue, il en va de même pour les autres concepts de l'éthique algorithmique. Par exemple, la transparence, c'est un concept qui est plutôt une idée métaphorique, qui renvoie à la lumière, à le fait que la lumière traverse quelque chose. L'équité, je ne vais pas faire un cours de philosophie, mais il y a des bibliothèques entières sur les différents sens de la notion d'équité. Par exemple, moi je soutiens qu'il y a 7 familles de justice distributive, 7 écoles. Donc équité selon quelle école? Les marxistes, les libéraux, les utilitaristes? Vous voyez, je pense que, évidemment, le système, il est relativement nouveau, à l'échelle évidemment de l'histoire des sciences et des techniques, mais le savoir éthique, il est encore plus nouveau. Il y a une sorte, si vous me passez l'expression, moi je parle du point de vue d'une vieille discipline, une sorte de fraîcheur dans ce foisonnement. Parce que l'éthique, c'est quand même un concept philosophique très ancien. Alors, on en parle chez Aristote, éthique, on en parle chez Kant. Éthique, si on entend par là, une réflexivité visant à définir les valeurs et les principes qui permettent d'agir en les distinguant d'autres. Donc, cet effet de distinction lié à la pensée réflexive permet de construire de véritables doctrines qui sont des systèmes. Par exemple, la théorie morale kantienne et pas la théorie morale aristotélicienne. Aujourd'hui, je pense qu'un enjeu majeur pour notre époque, c'est, comme vous l'avez fait aujourd'hui, la rencontre entre les savoirs. la rencontre entre les informaticiens, la rencontre entre les sciences humaines et sociales, dont la philosophie. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier tout de même que l'éthique est aussi opérée, si je peux m'exprimer ainsi, par les collègues juristes. Fondamentalement, l'éthique de l'IA doit être liée à quelque chose qui va assez vite, comment dire, si je peux prendre une expression un peu amusante, siffler la fin de la récréation. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le droit, qui est nourri par les connaissances scientifiques et aussi par qui est inspiré ou qui est en connaissance des systèmes philosophiques éthiques, le droit vient inscrire un certain nombre de règles. Et je crois, vous voyez, que pour être complet, il faudra un juriste dans cette pièce qui apporterait finalement l'idée que ce foisonnement auquel vous faisiez référence, qui est formidable mais aussi très inquiétant à vrai dire, va peut-être progressivement converger au plan mondial sur, pas seulement quelque chose d'homogène, mais peut-être des conflits de valeurs fortement identifiables. Ça tombe bien que vous parliez de juristes et de droits et de lois, puisque on va retrouver ce sujet-là dans un instant dans la recherche montre en main. Une recherche montre en main avec aujourd'hui Louis Béziot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'école doctorale mathématiques, sciences et technologies de l'information et de la communication à Rennes, en co-tutelle avec l'Université du Québec à Montréal et en partenariat avec l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Vous réalisez votre thèse sous la direction de Tristan Allard et de Sébastien Gamps et ce travail s'intitule « Vers un développement éthique et respectueux de la vie privée de l'intelligence artificielle en droit et justice ». C'est à vous. Alors je ne sais pas si je ne suis pas juriste et donc je ne sais pas si je vais correctement compléter ce qui était fait avant. On le fera après. Vous en faites. Ouais, j'espère bien. Et je pense aussi que je vais ajouter à la cacophonie qui était énoncée. Mon sujet s'inscrit donc, comme vous le disiez, sur des enjeux et de vie privée qui n'ont pas été nommés, mais qu'on en informatique on a tendance à associer dans les questions d'éthique, à la fois parce qu'il y a des tensions entre les enjeux d'éthique et de vie privée, parce qu'il y a des ponts techniques, et donc on la met souvent dedans, et sur des enjeux, en plus de ceux de vie privée, de transparence et de discrimination. Ça a été très très bien introduit, il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de définitions d'éthique, de philosophie, que je ne fais pas, et derrière, ce qu'on souhaite faire en informatique, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'exprimer ces concepts qui sont très abstraits, ces définitions qui sont parfois floues, en des formules qu'on va maximiser, minimiser. C'est ça que va traiter le modèle d'apprentissage. Et donc l'objectif, à la fois de ma thèse et de finalement de ce qu'on fait quand on parle de fairness en informatique, on utilise plutôt le mot anglais équité et trompeur, c'est essayer de transformer donc ces définitions en langage naturel, en des définitions formelles. Le problème, et c'est là que j'ajoute à la cacophonie, c'est que dès qu'on formule ces concepts-là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas les avoir tous. Ils sont fortement opposés, on ne peut pas tout optimiser, et on ne peut du coup pas obéir à toutes les définitions de non-discrimination qu'on peut énoncer, en tout cas on retrouve qui nous sont apportées par l'éthique. On se retrouve avec une cacophonie réelle et formelle. C'est-à-dire qu'on peut montrer qu'il y a une incompatibilité très forte. L'enjeu, du coup, dans la thèse, c'est finalement d'essayer d'extraire des plus petits principes, et donc d'avoir des définitions moins précises, d'aller vers quelque chose de plus générique, et de pouvoir mesurer une forme de discrimination, la mesurer, et là ça rejoint ce qui était la seconde question de l'introduction, la première phrase, comment est-ce qu'on définit, comment on s'assure du respect d'une certaine éthique. Et en fait, en informatique, tout ce qu'on sait faire, c'est mesurer, et du coup, s'assurer du respect d'une certaine forme de non-discrimination, ça implique de pouvoir la quantifier, la mesurer, et de dire qu'on a passé une certaine limite qu'on s'est fixée, que les juristes pourraient fixer, ou que les personnes qui font de l'éthique pourraient fixer. Et donc l'objectif, c'est de mesurer. Le problème particulier sur lequel je travaille en ce moment, c'est comment on mesure en prenant en compte non pas simplement la discrimination potentiellement apportée par le système algorithmique, mais comment on mesure globalement la discrimination qu'on retrouve en sortie de cette prise de décision. Et l'enjeu ici, et j'espère que vous en parlerez, c'est qu'on apprend, comme ça a été dit, sur des données qui sont globalement très biaisées, qui sont celles de notre société. Merci beaucoup Louis Béziot. Et évidemment, on va en parler plus en profondeur et notamment dans le reportage tout à l'heure. Avant cela, une courte réaction à ce travail de thèse, Rajesh Attila. Oui, alors effectivement, c'est très intéressant de travailler sur le problème fairness, il a dit, donc on traduit en français par équité, bien que ce soit quelque chose qui est entre la justice et l'équité, c'est des concepts assez difficiles à préciser vraiment correctement. Mais il y a justement un problème qu'il a bien énoncé, c'est que finalement, il s'agit de mettre cela en équation, c'est-à-dire en formulation mathématique quantitative, et après on va traiter cela. Or, nous humains, quand nous parlons d'équité ou d'égalité, etc., nous n'avons pas tendance tout de suite à dire « bon ben ça c'est l'équité, donc lui il a 5, lui il a 3, je vais augmenter celui-ci, baisser celui-là », ça ne se traduit pas comme ça. Et c'est là qu'il faut bien comprendre qu'effectivement on va utiliser des termes qui sont des termes pour les humains, dans la dans le langage humain, dans la compréhension humaine, et on va comparer des choses qui ne sont pas forcément comparables, hein. C'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que finalement, peut-être quelque chose qui peut être équitable n'est pas forcément d'ajuster les mêmes valeurs, mais de donner autre chose à celui qui est moins doté, disons. Hein. Donc on sort, si vous voulez, on sort de l'algorithme en quelque sorte. Or, le système d'intelligence artificielle, même s'il contient tous ces éléments éthiques, lui, il va rester dans ce cadre restreint. C'est très intéressant cette dichotomie entre le langage humain et le langage artificiel, le langage informatique, qui ne sont pas forcément solubles. Je vous propose de rester avec nous parce qu'on va poursuivre cette discussion, ce dialogue entre les disciplines sur les enjeux liés à l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce sera juste après la musique. Thank you. Welcome to the machine de Pink Floyd dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'intelligence artificielle et d'éthique et nous en parlons avec Raja Chatila, professeur émérite de robotique d'intelligence artificielle et d'éthique du numérique à Sorbonne Université. Nous en parlons également avec Thierry Ménissier, professeur des universités en philosophie à l'Université Grenoble-Alpes, responsable de la chaire éthique et IA au sein de l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle de Grenoble. Alors en matière d'usage éthique de l'intelligence artificielle, les débats se sont beaucoup concentrés ces dernières années sur les données personnelles et leurs usages, mais aussi de plus en plus sur les algorithmes qui orientent nos choix sur les plateformes numériques. Pour le reportage du jour, je me suis donc penché sur le sujet et suis allé à la rencontre de Benoît Rotembourg, qui est le responsable du projet Regalia à INRIA, un projet qui développe, un peu à l'image de la police des polices, des algorithmes pour surveiller d'autres algorithmes et pour s'assurer de leur bon usage. Alors Regalia, je crois qu'est né il y a peut-être 4 ou 5 ans, à mi-chemin entre la Direction Générale des Entreprises, donc Bercy, et INRIA, avec ce sentiment que les grosses plateformes numériques avaient petit à petit créé une relation tellement étroite avec nous, nous consommateurs, qu'il devenait de plus en plus difficile pour les autorités de régulation de regarder ces plateformes à l'œil nu. Et cette prise de conscience, c'était bon, mais alors comment on les regarde, ces algorithmes? Et on a senti qu'il fallait des algorithmes pour surveiller les algorithmes. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de ce type de situation d'opacité qui conduise finalement à un usage malicieux de ces algorithmes? On va aller vers des domaines qui sont un peu trash, mais le recouvrement de créances, par exemple, hein, des domaines comme ça, où on brasse des données considérables. Eh bien, on peut découvrir que des noms avec une certaine consonance, si j'ai un DA, il y a une forte propension pour que le nom soit portugais. Eh bien, on peut tout à fait découvrir que la population portugaise, née dans les années 70, a une certaine façon de rembourser ses dettes, différente d'une population française non portugaise. Donc, c'est un exemple très simple de choses. Alors, ça ne va pas jouer sur beaucoup de personnes, je crois qu'ils sont 800 000 en France. Mais voilà, on va trouver que les 800 000 DA quelque chose se comportent un petit peu différemment vis-à-vis d'une créance. Voilà typiquement une chose que va découvrir un algorithme sans savoir grand-chose d'autre que existe-t-il DA en particule dans le nom. Et oui, l'algorithme va s'engouffrer dans cette petite brèche comportementale sans même qu'un être humain soit conscient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin d'un homme pour écrire la règle. Elle va être découverte. Alors à coup de 100 000 par-ci, 20 000 par-là, et de combinaisons de choses. Donc on voit bien que le petit pattern échappe à l'œil humain. C'est donc une finesse algorithmique. Ces petits patterns sont aujourd'hui imperceptibles à l'œil nu. Alors quels outils justement on peut mettre en place pour éviter cet aspect discriminant d'un algorithme qui n'a pas été pensé à l'origine comme discriminant, mais qui s'auto-nourrit finalement de cette discrimination? Alors il y a la méthode lourde. C'est la perquisition presque. Donc vous avez la CNIL qui débarque, qui va voir un algorithme de crédit et qui exige de voir toutes les données d'entrée. Elle a des limites parce que des données cachent des choses qui ne seront pas visibles par un être humain en perquisition. Alors l'autre méthode, une autre méthode que nous proposons nous, qui est une méthode, alors il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui est de créer des faux comptes à la main. Donc je crée un faux candidat. Et je regarde si, je tourne un peu autour de ce candidat, je crée des petites variantes de ce candidat, et je regarde s'il est plus ou moins maltraité, selon que il s'appelle Da Rosa ou Do Rosa. Et on va voir que l'algorithme bascule. C'est assez pratique à fabriquer, ça ressemble au testing. Il y a d'autres méthodes, plus cette fois-ci massives, où on va générer alors carrément des faux comptes, mais là, de manière informatique. Et donc, massivement, on va bombarder l'algorithme, en lui posant plein de questions, en suréchantillonnant l'espace. Et on va essayer de détecter des ruptures dans la décision de l'algorithme, en disant, ah oui, à mon avis, il se sert de votre adresse. À mon avis, il se sert de vos origines, ou il se sert de quelque chose qui ressemble à vos origines. Donc, là-dedans, on a décidé, nous, de s'attaquer à quelques familles d'algorithmes, et régulièrement, les grosses plateformes, tous les mois, vous avez Google, Deliveroo, Facebook, YouTube, se sont fait régulièrement attraper, Amazon, Booking.com, Expedia, se font régulièrement attraper. Donc, elles violent. Attraper pour quoi, par exemple? Alors, pour certains droits violés, le droit de la concurrence. Quand vous avez vous-même des produits, vous êtes en position dominante, vous n'avez pas le droit de préférer vos propres produits aux produits de la concurrence. Ça se fait pas. Et ça, c'est sur ça, par exemple, que Google et Amazon se font régulièrement taper sur les mains. Et vous avez aussi des manœuvres trompeuses, donc des architectures de choix sur le web, hein, on appelle ça des dark patterns, une façon d'influencer votre comportement. Par exemple, on vous promet que je vous donne une liste d'hôtels qui correspond à vos préférences. En fait, ce n'est pas du tout vos préférences, c'est la commission que me verse l'hôtel. Alors ça, vous n'avez pas le droit. Vous avez même Google qui a inventé ses propres étoiles sur les hôtels. Les étoiles, c'est un label. On n'a pas le droit de s'inventer ses propres étoiles parce que c'était plus simple. Donc, on voit bien que les droits sont bafoués. C'est pas toujours la faute de l'algorithme. Mais en général, dans ces grosses plateformes, où presque tout est algorithmisé, un algorithme trop puissant ou mal fait induit un droit bafoué ou présumé bafoué. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'une sorte d'algorithme gendarme d'autres algorithmes? Et si oui, quelles sont les qualités de ce gendarme et quel serait le gendarme parfait? Il y a un protocole pour ne pas abîmer la bête que vous surveillez. Et ça, nous, on est très attentifs à ça. Par exemple, on se donne un budget du nombre de questions qu'on a le droit de poser à l'algorithme. On s'interdit de poser 3 milliards de questions. Alors, et d'une, ça fatiguerait l'algorithme. Et de deux, ça fausserait l'algorithme parce qu'il croit, si je lui pose 1 milliard de questions, sans rien acheter, parce que le budget d'INRIA pour acheter va être très limité, vous vous en doutez. Donc, je vais commander sans acheter, en fait. Et du coup, l'algorithme va se dire, mais il y a 1 million de demandes pour un hôtel au nord de Paris et il n'y a jamais d'achat. Donc, je n'ai pas le droit d'abîmer l'algorithme que j'observe. Deuxièmement, ça c'est la vie, il ne faut pas trop que je me fasse repérer non plus. Donc, il faut que la façon que j'ai de poser des questions soit typique. Sinon, on prendrait le risque d'être découvert. Hein, donc, et c'est normal qu'une plateforme surveille qu'un robot est en train de... Parce que parfois, c'est des robots frauduleux pour d'autres raisons. Donc, premièrement, ne pas allumer. Deuxièmement, ne pas trop se faire repérer. Et troisièmement, et c'est ça qui pose une question mathématique, il faut que quand j'exhibe une zone à problème, en fait, il faut que mon expérience soit reproductible. En gros, il faut que je sois clean dans l'analyse que je fais pour qu'un être humain, si... il refait à peu près les mêmes conditions. Alors ça veut dire, il reprend un homme blanc de plus de 50 ans, ou il reprend un nom d'origine portugaise, ou il reprend, etc., etc. Il refait l'expérience, il trouvera à peu près les mêmes conclusions, statistiquement. Et ce qui permet d'être propre vis-à-vis de la plateforme, en disant, écoutez, franchement, on a fait 10 000 fois l'expérience, à chaque fois qu'on fait ça, ça, ça et ça, vous nous répondez blanc, alors qu'on fait ça, ça, ça et ça, vous nous répondez noir. Votre algorithme est biaisé, ou est orienté par rapport à telle ou telle variable. Voilà pour ce reportage à l'INRIA, une réaction Thierry Minissier au propos de Benoît Rotembron. Magnifique projet, et donc trois commentaires hein, comme ça qui me viennent. D'abord, en fait, la cacophonie dont je parlais, c'est une joyeuse cacophonie. Cet esprit qui a toujours été la science. Et on voit que les efforts correspondent à ce que j'interprète moi comme la réinvention de la méthode expérimentale. Cette réinvention de la méthode expérimentale qui procède par essais, alors attention, des véritables essais, erreurs, constats, etc. Ce qui correspond à l'enquête. Il l'a dit d'ailleurs, le collègue qui parlait, c'est un enquêteur. Mmh. Et donc cette enquête, elle est vraiment intéressante parce que, c'est mon dernier commentaire, en fin de compte, ce dont il est question, le véritable enjeu me semble-t-il, c'est que les efforts qu'on fait pour enquêter non plus sur la nature comme au XVIIe siècle, quand s'est inventée la méthode expérimentale, mais sur notre système technique global, eh bien les efforts qu'on fait pour enquêter, en réalité, potentiellement, ils peuvent rendre la société meilleure. Mmh. Parce qu'en fait, les biais, c'est pas des biais techniques, c'est pas des biais algorithmiques, ce sont des biais sociaux. Et il est clair que le travail qu'on fait, grâce à l'éthique de l'IA, sans même qu'on puisse encore parler de machine éthique, si vous voulez, mais les efforts qu'on fait pour débiaiser, permettent de voir des choses c'est un véritable révélateur. Mmh. On voit bien que le style portugais dans le remboursement de la créance est quelque chose auquel peut-être les sociologues connaissent ça très bien. Mais quand un système technique nous amène à nous dire mais voilà, quels sont les droits en termes d'autonomie des personnes, en termes d'équité. Et vous voyez donc il y a un effort que l'algorithmique nous fait faire grâce aux travaux des collègues sur une société, oui, je peux le dire, qui potentiellement peut être meilleure. Raja Chatila, l'algorithme finalement est à l'image de la main qu'il a créée et s'il est porteur d'un biais, c'est juste que la société est elle-même biaisée. On parlait de discrimination liée à l'appartenance ethnique, socioculturelle dans le reportage. Finalement, l'algorithme ne fait que reproduire ces discriminations qui ont déjà cours dans la société. Alors oui, bien sûr, les données qu'on lui donne sont biaisées parce que notre société est biaisée. Mais parfois, il y a des biais qui sont induits par la programmation elle-même. Ces biais ne sont pas forcément intentionnels, justement, sont liés éventuellement à la manière dont le programmeur, le concepteur de système, par exemple, modélise ce qu'il est en train de rechercher. Donc, il va mettre en avant certains paramètres et ne pas en mettre d'autres. Et ça, ça va créer, enfin, de nouveau, ce n'est pas intentionnel, ça va éventuellement créer un biais. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces systèmes ne vont pas simplement refléter les biais de la société, ils vont les intensifier. Parce que ils vont les automatiser. Et est-ce que vous avez des exemples, par exemple? Eh bien, prenons l'exemple du paiement de dette. Si le système va détecter un certain comportement dans le paiement des dettes, ça va aller alimenter la manière dont finalement les prêts vont être octroyés ou non. Et on va systématiser la manière dont les prêts vont être octroyés en fonction de la manière dont les gens payent leurs dettes. Et ça va s'appliquer à tous les DA, par exemple, alors que certains d'entre eux ne se comportent pas de la même manière. Et ça va devenir une certaine manière automatique de traiter les gens et non pas en tant qu'individus. Alors là, c'est intéressant parce que vous parlez donc d'une IA qui interprète des biais qui existent. Ça va aussi potentiellement accentuer des inégalités qui existent déjà. Je fais référence ici, par exemple, à une plateforme publicitaire de Google qui s'appelle AdSense, qui avait été épinglée en 2015 parce que elle proposait des postes mieux rémunérés aux hommes, moins bien rémunérés aux femmes, et du coup, ça faisait qu'une inégalité de fait qui existe dans la société était maintenue d'une certaine façon dans les propositions que réalisait l'algorithme selon qu'on était un homme ou une femme. Oui, bien sûr. Ça systématise quelque chose qui existe déjà. Si, par exemple, une entreprise, pour prendre un exemple similaire, si une entreprise est satisfaite de ses employés et elle veut recruter encore plus d'employés à l'image de ses employés actuels, eh bien, on va peut-être analyser certains traits sur les employés actuels pour que finalement les futurs employés qu'on va choisir leur correspondent. Alors, une entreprise où il y a 90% d'hommes va recruter des hommes. Mmh. Voilà. Ce qui est impressionnant et ce qui est assez vertigineux, c'est on a l'impression que c'est le Far West et que les shérifs sont tout petits, quoi, et qu'il y a vraiment un foisonnement d'algorithmes et d'éléments liés à l'intelligence artificielle qui se développent un petit peu tous azimuts et qu'on a finalement peu de moyens de contrôler les uns après les autres ces éléments-là et de contrôler leur valeur éthique, Thierry Ménissier. Moi, j'entends. Mon propos est peut-être lui-même biaisé. Peut-être qu'il faut arrêter de penser aux conséquences négatives. Il est clair que ce que j'appelle le défi éthique est considérable. Je parle de défi éthique très précisément parce que il est vrai que nos pratiques sociales sont en deçà, pour l'instant, d'un certain nombre de principes qui sont pourtant les nôtres. Et comme l'a dit mon collègue, le système global, de par sa puissance et paradoxalement sa fiabilité, augmente les biais. Alors, défi éthique, qui est aujourd'hui bien conscient, notamment au pouvoir public, aux ONG. La résistance s'organise, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Prenons par exemple cette initiative récente du ministère du Travail, de l'Emploi et des Solidarités, de concert avec INRIA, avec ce lab qui s'appelle Laboria, visant à étudier, à accompagner des projets d'implémentation d'IA en fonction d'un certain nombre de recommandations éthiques, d'observations. Et là, vous voyez, c'est ce passage dans les faits de la méthode expérimentale que j'évoquais tout à l'heure. Et je le redis, je crois que la communauté scientifique complète doit s'élargir des sciences humaines et sociales. Alors, les informaticiens, donc tous les roboticiens, doivent rencontrer les sociologues, les anthropologues, les philosophes de la justice. Et je crois que c'est cette communauté scientifique que les pouvoirs publics ont bien dans les états de droit en vue. Alors, évidemment, le problème qui va se poser, c'est que il y a certains états de droit qui ne sont pas des états de droit, qui le sont formellement, mais qui développent une politique despotique. Il est clair que l'outil informatique, les algorithmes, la robotique, servis par des pouvoirs mauvais, qu'on peut qualifier philosophiquement de mauvais ou éthiquement de mauvais, est tout à fait inquiétant, sans aucun doute. Rajesh Attila, le salut passe par ce type de recherche transdisciplinaire et puis par un souci éthique au moment de la création de l'algorithme. Alors c'est clair que il y a cette transdisciplinarité qui est indispensable. Bien évidemment, je ne vais pas développer plus, ça a été très bien dit. Et oui, bien sûr, au moment du développement de l'algorithme, il faut suivre des méthodologies de conception qui priorisent l'éthique. Et qu'est-ce que ça veut dire l'éthique ? Ben, c'est les valeurs justement des parties prenantes, c'est-à-dire des personnes qui vont être impactées, des catégories qui vont être impactées par l'utilisation du système. Donc ça, c'est extrêmement important à apprendre aux ingénieurs, aux développeurs et aussi aux entreprises qui vont les recruter. Mais ce n'est pas si le Far West que ça. Non. Alors, je vais juste assez rapidement parler de trois choses différentes, trois niveaux. En France, nous avons un comité national pilote d'éthique du numérique. C'est une structure qui est semblable au Comité consultatif national d'éthique en sciences de la vie et de la santé, et qui est saisi par le Premier ministre, des ministres, etc., pour émettre des avis sur tel ou tel sujet. Par exemple, sur la voiture à conduite automatisée, par exemple, sur le diagnostic médical avec l'intelligence artificielle, par exemple, sur les agents conversationnels, vous savez, ceux qui dialoguent avec vous quand vous allez sur un certain site. Et ces avis sont des avis qui sont destinés aussi bien aux autorités qu'aux concepteurs, qu'au grand public, pour finalement mettre un peu de compréhension de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Deuxième niveau, au niveau européen, la Commission européenne a proposé quelque chose qu'on appelle en anglais AI Act, ça veut dire un règlement pour l'intelligence artificielle. C'était en avril dernier, ça. C'était en avril dernier, et il est en cours de discussion. Bon, ça va aboutir dans peut-être un an. Et l'essence de cette approche est d'évaluer le risque que le système fait courir aux utilisateurs et de mettre plus de réglementation. Donc exiger par exemple une certification sur des systèmes à haut risque, par exemple dans les transports, dans la médecine, et être moins exigeant pour les systèmes à plus bas risque, par exemple des systèmes de jeux vidéo, etc. Mais bien sûr, le problème c'est l'évaluation des risques. Mais là, ça va se traduire par une réglementation européenne, c'est-à-dire une loi. Mmh. Et puis au niveau international, plus largement, il y a quelque chose qu'on appelle le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, qui travaille avec l'OCDE, donc une autre structure internationale qui a aussi des principes, qui aboutit à des principes communs, pour des projets de coopération internationale pour une intelligence artificielle responsable. Par exemple, sur le climat, l'intelligence artificielle et le climat, par exemple, les réseaux sociaux. Et donc ça, il y a, vous voyez, un certain nombre d'actions, de projets qui aboutissent, qui vont aboutir à réduire un peu, à mettre un peu un juge à l'ouest du Pécos, paraphrasé Lucky Luke. Eh bien écoutez, on se quittera sur ces mots et sur cette résistance qui s'organise pour une intelligence artificielle plus responsable et plus éthique. Merci beaucoup à tous les deux, Rajesh Attila, Thierry Ménissier, nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Natacha Triou, Nicolas Martin qui a le Covid et qu'on embrasse et à qui on souhaite un prompt rétablissement, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Clara Galibel. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini. France Culture, l'esprit d'ouverture.